إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. Après avoir évoqué le récit de Suleyman avec la reine de Saba et les quelques leçons que nous en avons tirées, nous allons évoquer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, d'autres épisodes de sa vie qui ont été relatés dans le Coran et dans lesquels aussi nous en tirerons des enseignements. Parmi ces récits évoqués de la vie de Suleyman et des faits notoires et importants de son mandat prophétique, il y a ce qu'a cité Allah, tabaraka wa ta'ala, « قال » ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقهرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب Ce sont les versets 30 à 40 de la sourate numéro 38. Dans le sens des versets, Allah dit tabaraka wa ta'ala, et à Daoud nous fîmes don de Suleyman. Quel bon serviteur, il était plein de repentir. Quand à l'après-midi on lui présenta de magnifiques chevaux de course, littéralement, as-safinat, ce sont les chevaux qui restent sur trois pattes et relèvent la quatrième, comme pour se préparer à partir d'un moment à l'autre. Ce sont des chevaux très vifs et conditionnés au combat ou à parcourir de longues distances. Wal-jihad, ce sont les chevaux rapides. Donc les chevaux cités ici dans ce verset coranique ont ces deux caractéristiques. Il dit, j'ai été distrait par les biens au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce qu'il s'éclipse. C'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil s'éclipse. Ramenez-les-moi, dit-il. Alors il se mit à leur couper les pattes et le cou. Nous verrons qu'il y a une deuxième explication ici sur ce verset coranique. Et nous avions certes éprouvé Suleyman en plaçant un corps sous son trône. Ensuite, il se repentit et dit, Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume sans pareil après moi. Tu es celui qui accorde. Nous lui assujettîmes alors le vent qui par son ordre soufflait modérément partout où il voulait. De même que les démons bâtisseurs et plongeurs, et d'autres encore enchaînés par deux. Voilà notre don, fais-en profiter qui tu veux, ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Et il a une place rapprochée de nous et un beau refuge. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, Allah mentionne qu'il a fait don à Daoud de Suleyman. Puis Allah a fait ses éloges en disant, quel bon serviteur, il était plein de repentir. En parlant de Suleyman, c'est-à-dire qu'il revenait sans cesse à Allah tabaraka wa ta'ala et il lui était obéissant. Puis Allah va évoquer l'attitude de Suleyman face aux magnifiques chevaux de course qu'on lui présenta. Il dit, j'ai été distrait par les biens au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce qu'il s'éclipse, c'est-à-dire le soleil. C'est-à-dire que la prière du Asr, l'après-midi, est sortie de son heure. Et le marqueur de cela était la disparition du soleil à l'horizon. Voilà pourquoi Suleyman a dit, j'ai été distrait par les biens, c'est-à-dire par ses chevaux, au point d'oublier le rappel, c'est-à-dire la prière envers mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil s'éclipse, c'est-à-dire à l'entrée de l'heure du Maghreb. On a dit aussi que cela désignait les chevaux. J'étais distrait par les biens au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que ses chevaux s'éclipsent. Alors il dit, ramenez-les-moi, et il se mit à leur couper les pattes et le cou. On a dit qu'il avait coupé leurs jarrets et leurs coups avec des épées. On dit aussi qu'il essuya simplement leur sueur après les avoir fait s'affronter à la course. Mais l'avis le plus adopté, comme le souligne Ibn Kathir, par les anciens est le premier. Ils ont dit qu'il fut occupé par la présentation qu'on lui fit de ses chevaux au point qu'il oublia de s'acquitter de la prière du Asar et que le soleil se couche. Il faut savoir que Souleyman alayhi salat wa salam n'était pas ici distrait par des choses futiles, mais en fait il regardait, il faisait le tour de tous ses chevaux afin de les préparer au combat, au djihad. Donc il était dans une adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Seulement, il a oublié la prière devant tout cela. Et cela est rapporté aussi d'Ali ibn Abi Talib et d'autres. Il faut préciser qu'il n'avait pas délaissé la prière volontairement sans excuse, à moins qu'on admette que cela était permis dans leur législation. Il retarda la prière pour des raisons inhérentes au djihad et c'est pourquoi on lui présenta des chevaux. Dans le même contexte, l'imam Ibn Kathir va rapporter, ou va faire le parallèle avec ce qui s'est passé ici et ce qui s'est passé au temps du prophète alayhi salat wa salam lors de la bataille du fossé, al-Khandaq, où le prophète alayhi salat wa salam, occupé dans le combat, n'a pas prié la prière du Asar à temps jusqu'à ce que le soleil s'éclipse. La situation est similaire ici. Il dit, un groupe de savants a prétendu que le fait que le prophète ait retardé l'accomplissement de la prière du Asar lors de la bataille du fossé était légiféré à ce moment avant d'être abrogé par la prière de la peur. Et c'est là l'avis de l'imam al-Shafi'i et d'autres. Pour leur part, Makhoul et l'imam al-Awza'i ont dit que cela a été statué de manière claire par les preuves jusqu'à nos jours, qu'il est permis de retarder l'accomplissement de la prière lorsqu'il y a des combats intenses, ainsi que nous l'avons rappelé lorsque nous avions mentionné la prière de la peur dans le tafsir de la sourate numéro 4 al-Nisa. D'autres ont dit que c'est par oubli que le prophète a retardé l'accomplissement de la prière du Asar lors de la bataille du fossé. Et c'est de la même manière qu'il faut interpréter l'acte de Souleyman et Allah est plus savant. Dans ce genre de situation, ce sont des oublis qui peuvent arriver même à des prophètes, comme c'est le cas ici. Quant à ceux qui prétendent que la parole d'Allah jusqu'à ce qu'il s'éclipse, ici nous ne parlons pas du soleil mais des chevaux, c'est-à-dire que les chevaux sont partis, se sont éclipsés de la vue de Souleyman. Et ils disent que Souleyman n'est jamais sorti de l'heure de la prière. Et lorsque Souleyman a dit « ramenez-les-moi », c'était pour leur toucher les pattes et le cou, et leur essuyer la sueur de leurs pattes et de leur cou. Et ça c'est l'avis d'Ibn Jarir. De même, Al-Walibi le rapporte de Ibn Abdullah ibn Abbas. Et Ibn Jadir explique à cela en disant qu'il n'aurait pas torturé des animaux en leur coupant les jarrets, dilapidant des biens sans nécessité et sans qu'ils aient commis quelque faute. L'imam Ibn Kathir, cependant, nous dit que cette opinion est discutable, car il est possible qu'un tel comportement fût permis dans leur législation. De plus, certains des savants de l'islam ont été d'avis que lorsque les musulmans ont ou craignent que les mécréants se saisissent de leurs animaux comme des troupeaux lors des batailles ou après les batailles, il aurait permis de les abattre et de les anéantir afin qu'ils ne s'en servent pas à leur profit, accroissant ainsi leur force. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'acte de Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu qui fit abattre son cheval alors qu'il était sur le point de mourir lors de la bataille de Mu'ta, afin que les ennemis ne s'en servent point. Concernant ces chevaux, on a dit qu'il s'agissait de magnifiques chevaux au nombre de 10 ou 20 000, et que 20 d'entre eux avaient des ailes. Abu Dawud rapporte d'après Aïcha, radiallahu anha. قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعابة فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قال فرس قال وما هذا الذي عليه قلت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا له أجنحة قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواذجه. D'après Aïcha, le messager d'Allah est revenu de la bataille de Tabouk ou de Khaybar et un voile couvrait l'armoire de Aïcha. Le vent souffla, souleva un pan du voile et découvrit les poupées de Aïcha. Le messager d'Allah lui dit alors « Qu'est-ce, ô Aïcha ?» Elle répondit « Ce sont mes filles, c'est-à-dire mes poupées. » Il vit parmi elles un cheval qui avait deux ailes faites de tissu. Et il dit « Et que vois-je au milieu d'elles ?» Un cheval, dit-elle. Et que porte-t-il sur lui? Deux ailes, dit-elle. Un cheval à deux ailes, dit le prophète, à sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha de lui répondre, ne sais-tu pas que Suleyman avait des chevaux ailés? Elle dit ensuite, le messager d'Allah rit alors au point que je vis ses molaires. Un hadith rapporté par Abu Daoud sur le numéro 4932 et authentifié par Al-Albani. Et cela nous prouve que le prophète n'a pas contesté cela, mais son rire est une forme de confirmation de la parole de Aïcha radiallahu anhu, comme pour montrer que Suleyman avait réellement des chevaux ailés. Certains savants disent que lorsqu'il eut délaissé les chevaux pour Allah tabaraka wa ta'ala, Allah les lui remplaça par ce qu'il fut meilleur encore, qui fut le vent grâce auquel il parcourait un mois de marche en une matinée et la même distance en une après-midi, comme nous allons le mentionner. L'imam Ahmed rapporte d'après Abi Qatada et Abi Dahma, qui multipliaient les voyages vers Bayt al-Maqdis, qui dirent « قال حدثنا أبو قتادة وأبو الدهما وكان يكثران السفر إلى مكة قال أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله فكان مما حفظت عنه أنه قال أو أن قال لا تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. Ce hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i sur le numéro 11810 et authentifié par l'Albani. Que nous dit ce hadith? Abu Qatada et Abu Dahma, qui multipliaient les voyages vers Bayt al-Maqdis, dirent « Nous avons rencontré un bédouin qui nous a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a pris par la main et m'a enseigné de ce qu'Allah lui a appris. Et il m'a dit « Tu ne laisseras rien par crainte d'Allah sans qu'Allah ne t'accorde quelque chose de meilleur encore. » Suleyman laissa les chevaux pour Allah, tabaraka wa ta'ala, et Allah lui donna mieux que cela. Allah lui fit se soumettre les vents du matin et d'après-midi. Il pouvait parcourir ainsi des distances d'un mois de marche en une matinée ou en une après-midi, comme nous le verrons, inshallah tabarak wa ta'ala. Concernant la construction de Bayt al-Maqdis, l'imam Ibn Kathir continue, nous dit, Allah dit tabarak wa ta'ala, « وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ » Sur 38 verset 34. Et nous avions certes éprouvé Suleyman en plaçant un corps sur son trône. Ensuite, il se repentit. Ibn Jarir et Ibn Abi Hatim, ainsi que d'autres commentateurs, ont rapporté à ce sujet de nombreux récits rapportés des pieux prédécesseurs, des salafs. Mais la plupart, voire la totalité, sont des récits des gens du livre qui comportent des choses à rejeter, des choses contradictoires, des choses qui ne conviennent pas à la stature et au rang du prophète Suleyman, alayhi salam. Ici, l'essentiel de ce qu'ils ont mentionné est que Suleyman alayhi salatu wassalam abandonna son trône pendant 40 jours et à son retour, il ordonna la construction de Bayt al-Maqdis, ce qui fut fait à la perfection. Il dit ensuite, nous avons rappelé qu'il l'a restauré et non qu'il l'a construit, c'est-à-dire que le premier en avoir fait un lieu d'adoration fut Ya'qub alayhi salatu wassalam, comme le rapporte le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith de Abi Dharr. C'est un hadith que vous pouvez retrouver dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sous le numéro 3366 et Muslim sous le numéro 520. An Abi Dharr radiyallahu anhu qala qultu ya rasulallah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalu qala al-masjidul haram qult thumma ay قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 سنة وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد وفي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد. Abu Dhar demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, quel est le premier lieu de culte bâti? Il répondit, la mosquée sacrée, c'est-à-dire à la Mecque, à Mecca. Et ensuite, la mosquée de l'Aqsa, l'actuelle Palestine. Puis il demanda combien de temps s'est-il écoulé entre la construction des deux. Le prophète de répondre 40 ans. Et ensuite, où que tu sois lorsque vient l'heure de la prière, accomplis la prière car la terre entière est un lieu de culte. L'imam Ibn Kathir va commenter cette parole du prophète et dire « Il est connu qu'entre Ibrahim a.s. qui a bâti la mosquée sacrée et Suleyman Ibn Dawoud, il y a plus de 1000 ans, et non 40 ans. Et sa demande d'obtenir un royaume sans pareil eut lieu après l'achèvement de Beit el-Maqdis. » L'imam Ahmed rapporte d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Anna Suleyman ibn Dawud lamma bana masjid Bayt al-Maqdis sa'ala Allah khilalan thalatha sa'ala Allah hukman yusadif hukma fa'utiya wa sa'ala Allah mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di fa'utiya wa sa'ala Allah hina faragha min bina' al-masjid an la ya'tiyahu ahad لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه. الحديث que vous retrouvez dans Sunan al-Kubra sous le numéro 774. Lorsque Suleyman construisit Bayt al-Maqdis, dit le prophète alayhi wa sallam, il demanda à son seigneur trois faveurs. La première, il lui demanda un jugement qui correspondent à son jugement et il le lui accorde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Suleyman sera amené à juger les gens, son jugement sera en adéquation avec le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il touchera le juste dans toutes les situations et dans tous les cas. La deuxième chose, il lui demanda un royaume sans pareil après lui et il le lui accorda. Personne n'aura un royaume comme fut le royaume de Suleyman après lui. Et il lui demanda que chaque homme sortant de chez lui avec l'intention d'accomplir la prière dans cette mosquée de Bayt al-Maqdis soit purifié de ses péchés comme s'il venait de naître. Pour ce qui est de son jugement conforme au jugement d'Allah, Allah a fait son éloge et celui de son père en disant وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سورة 21 versets 78 et 79. Et Daoud et Suleyman lorsqu'ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenant à une tribu étaient allés paître la nuit, nous étions témoins de leur jugement. Nous avons fait comprendre ce jugement à Suleyman et à chacun d'entre eux nous avons donné la faculté de juger et de savoir. Nous avons soumis les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de Daoud ainsi que les oiseaux. C'est nous qui avons tout fait. Sourate 21, versets 78-79. Shuraih al-Qadhi et d'autres pieux prédécesseurs ont rapporté que cette tribu avait un champ de vignoble ou de vigne et que des moutons appartenant à une tribu autre entrèrent dans ce champ durant la nuit et broutèrent toute la végétation. Les deux tribus se rendirent auprès de Daoud alayhi salat wa salam et demandèrent son arbitrage. Daoud alayhi salat wa salam décréta alors que le troupeau deviendrait propriété de ceux dont le champ a été ravagé, comme une réparation pour les dégâts occasionnés. Ils se rendirent ensuite chez Suleyman qui leur demanda « Quel fut le jugement du prophète d'Allah ?» Il voulait signifier par le prophète d'Allah son père Daoud. Ils l'en informèrent et il dit « Si c'était moi qui avais jugé, j'aurais décrété que le troupeau soit provisoirement confié au propriétaire du champ, à titre d'usufruit, c'est-à-dire qu'ils profiteront de ce troupeau et que les coupables pendant ce temps s'occuperont du champ jusqu'à ce qu'ils redeviennent comme ils l'étaient auparavant, à titre de réparation. Donc ces gens qui avaient subi cette injustice auraient profité de ce troupeau aussi longtemps que leur champ ne serait pas redevenu comme il était auparavant. Ce n'est qu'alors qu'ils pourraient reprendre leur troupeau, dit Souleyman. Informé de ce jugement, Daoud l'adopta et le prononça. Toujours dans le même contexte, il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقال صاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داود فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. Parmi ce qu'a cité Allah tabarak wa ta'ala concernant les jugements de Souleyman, il y a ce qu'a rapporté le prophète alayhi salat wa salam concernant ces deux femmes. Deux femmes se trouvaient avec leur bébé respectif et le loup prit le bébé de l'une d'elles. Elles se disputèrent alors le bébé resté vivant. La plus âgée dit, c'est ton bébé qui l'a pris. Et la plus jeune lui répondit, non, c'est le tien qui l'a pris. Elles demandèrent alors l'arbitrage de Souleyman, qui leur dit, apportez-moi un couteau pour que je le découpe en deux, et qu'ainsi, chacune de vous en aura la moitié. La plus jeune dit alors, ne fais pas cela, qu'Allah te fasse miséricorde, c'est son fils. Et Souleyman jugea alors en sa faveur. C'est-à-dire que par miséricorde et par compassion envers son enfant, elle préféra le laisser à l'autre femme plutôt que de voir son fils mourir devant elle. C'est devant ce fait accompli que Souleyman comprit que cet enfant appartenait à cette femme la plus jeune des deux, celle qui avait dit cette parole. Ce hadith, vous pouvez le retrouver dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sous le numéro 3427 et Muslim sous le numéro 1720. Bien sûr, cela vient corroborer le fait que Souleyman, alayhi salatu wa salam, prononçait des jugements qui étaient en adéquation avec les jugements d'Allah, tabarak wa ta'ala, et cela nous ramène au hadith du prophète, alayhi salatu wa salam, qui a dit que Souleyman avait demandé cela à Allah, tabarak wa ta'ala, et Allah lui exauça cette demande, lui accorda cette demande. Concernant le troupeau, l'imam Ibn Kathir nous dit qu'il est possible que les deux jugements aient été valables. C'était un jugement de Daoud et celui de Souleyman. Mais l'avis de Souleyman était le plus juste. Et c'est pour cela qu'Allah a fait ses éloges en ce qui lui a inspiré avant de faire aussi les éloges de son père. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Nous avons fait comprendre ce jugement à Souleyman, et à chacun d'entre eux, nous avons donné la faculté de juger et le savoir. Nous avons soumis les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de Daoud ainsi que les oiseaux. C'est nous qui avons tout fait. Nous lui avons appris la fabrication des cottes de mailles afin qu'elle vous protège contre les blessures. Êtes-vous donc reconnaissant? Nous avions déjà vu ces derniers versets lorsque nous avions cité la biographie de Daoud alayhi salatu wassalam. Puis à la suite de cela, Allah dit tabarak wa ta'ala concernant Souleyman, وَلِي سُلَيْمَانَ غْرِيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. Sourate 21, verset 80-82. Nous avons soumis à Souleyman le vent impétueux, le vent fort, qui par son ordre se dirigea vers la terre que nous avions bénie. Nous étions parfaitement au courant de toutes choses. Parmi les diables, certains plongeaient pour lui et accomplissaient d'autres travaux. C'est nous qui les surveillons. Puis Allah dit tabarak wa ta'ala dans le même sens. فَسَخَّرْنَا لَهُ رِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاسٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Sourate 38, verset 36 à 40. Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément. Alors que dans le verset précédent, Allah cita tabaraka wa ta'ala, nous avons soumis à Suleyman le vent impétueux, c'est-à-dire le vent fort. Donc, il pouvait avoir le choix entre ordonner un vent faible, calme, ou un vent beaucoup plus puissant. Puis il dit, de même que les diables, bâtisseurs et plongeurs, et d'autres encore enchaînés par deux. Voilà notre don, fais en profiter qui tu veux ou retiens-le sans avoir à en rendre compte, et il a une place rapprochée de nous et un beau refuge. Lorsqu'il délaissa les chevaux pour la face d'Allah, tabarak wa ta'ala, le Seigneur les lui remplaça par la soumission du vent qui était plus rapide et plus puissant que les chevaux et qui ne nécessitait aucun effort. Il soufflait modérément partout où il voulait, c'est-à-dire sur quelques contrées qu'il désire. Il avait un tapis de bois ou un markab, une monture de bois, qui pouvait supporter tout ce dont il avait besoin comme maison, palais, tente, meubles, soldats, charges lourdes, humains, djinns, animaux, oiseaux de toutes sortes. Lorsqu'il voulait voyager, s'éloigner ou combattre un roi ou un ennemi, ou qu'il veuille sur la terre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il prenait tout ce que nous avons mentionné sur son tapis ou sur sa monture, puis ordonnait au vent de souffler de façon à ce que le tapis s'élève dans les airs. Une fois suspendu entre le ciel et la terre, il lui ordonnait de souffler modérément, et lorsqu'il voulait aller plus vite, il ordonnait à la tempête de se lever, et celle-ci l'emmenait à une vitesse prodigieuse, là où il le désirait. Ainsi, il pouvait quitter au début du jour Beit el-Maqdis en Palestine et être porté par le vent jusqu'à Istakhar. Istakhar, c'est une ville qui se trouve actuellement en plein centre de l'Iran, qui se trouve à une distance d'un mois de marche. Il y restait jusqu'à la fin de la journée et il revenait ensuite à Beit el-Maqdis. C'est pour ceci qu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَلِ سُلَيْمَانَ غْرِيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور غراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سورة 34 verset 12-13. Nous avons également mis au service de Suleyman le vent. Celui-ci parcourait un mois de marche en une matinée et la même distance en une après-midi. Et nous lui avons fait couler les sources du cuivre. Avec la permission de son seigneur, certains djinns travaillaient devant Suleyman. Et nous faisions goûter le châtiment de la fournaise à quiconque parmi eux se soustrayait à nos ordres. Il lui réalisait ce qu'il voulait, édifices, statues, plateaux semblables à des bassins et marmites bien ancrées. Ô famille de Daoud, soyez par vos actes reconnaissants. Quant à la source qui est mentionnée dans ces versets coraniques, Ibn Abbas ainsi que Mujahid, Ikrima et Qatada ont dit qu'il s'agissait des sources de cuivre qui coulaient comme des rivières, et selon Qatada, elles se trouvaient au Yémen, où Allah la fit surgir pour lui. Il utilisait ce cuivre fondu pour fabriquer toutes sortes de choses, ou il ordonnait la fabrication de toutes sortes de choses. Allah dit tabaraka wa ta'ala, avec la permission de son Seigneur, certains djinns travaillaient devant Suleyman, et nous faisions goûter le châtiment de la fournaise à quiconque parmi eux se soustrayait à nos ordres. Allah lui a soumis des djinns qui accomplissaient pour lui ce qu'il voulait, sans se lasser et sans désobéir. Et ceux qui désobéissaient à ses ordres, alors Allah les châtiait. Il lui réalisait ce qu'il voulait. Des édifices, c'est-à-dire des endroits agréables et des places d'honneur. Des statues, c'est-à-dire des représentations qu'on mettait au mur. Car cela était permis à leur époque. Mais ceci est devenu interdit dans la législation de l'islam. Et des plateaux semblables à des bassins et marmites ancrées. Ibn Abbas a dit que les plateaux semblables à des bassins étaient de terre ou encore semblables à des bassins d'eau, comme l'ont également soutenu Mujahid, Al-Hassan, Qatada, Dahak et d'autres. D'après ces avis, cela désignerait le bassin dans lequel on vient puiser l'eau, Et quant aux marmites bien ancrées, Ikrima a dit qu'elles étaient fixes et ne bougeaient pas de leur place. C'est également l'avis de Mujahid et d'autres. Et puisque cela était dans le but de nourrir les pauvres et d'être bienfaisant envers les gens, Allah dit « Ô famille de Daoud, soyez par vos actes reconnaissants, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. » Il est de même cité dans ces versets coraniques qu'Allah dit à Baraka wa ta'ala « De même que les démons bâtisseurs et plongeurs et d'autres encore enchaînés par deux. » C'est-à-dire que certains d'entre eux étaient assujettis à la construction et d'autres qui plongeaient dans l'eau à la recherche des perles, des joyaux et d'autres choses qu'on ne peut trouver que dans les profondeurs des mers. Quant à cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'autres encore enchaînés par deux, c'est-à-dire que ceux qui désobéissaient à ses ordres étaient enchaînés par deux, muqarranin. Tout cela fait partie de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a soumis et assujetti à Suleyman alayhi salat wa salam et qui donnait en final à son royaume une perfection qu'aucun autre roi ne pouvait atteindre ni avant ni après lui. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna ifritan min al-jinni tafallat al-barihata liyakta aliyya salati fa amkanani allahu minhu fa akhathtuhu fa arattu an arbitahu ala sariyatin min sawari al-masjidi hatta tanzuru ilayhi kullukum fa dhakartu da'wata akhi Suleyman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di fa radattuhu khaisa » rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 3423 et l'imam muslim sous le numéro 541. Un djinn redoutable, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est manifesté à moi hier et a voulu s'interposer entre moi et ma prière. Mais Allah m'a permis de le maîtriser. Je l'ai saisi et j'ai voulu l'enchaîner à un pilier de la mosquée afin que vous le voyiez tous. Mais je me suis souvenu de l'invocation de mon frère Suleyman. Seigneur, pardonne-moi. Et fais-moi don d'un royaume, personne après moi n'en aura de semblable. Et fais-moi don d'un royaume dont personne après moi n'en aura de semblable. Alors je l'ai chassé humilié. Dans le même sens, le prophète a dit alayhi salatu wa salam dans le hadith de Abi Darda radiallahu anhu, qala, qama rasulullah alayhi salatu wa salam, fa sami'nahu yakul, a'udhu billahi mink, thumma qala, ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. Hadith rapporté par l'imam muslim sur le numéro 542. Le messager d'Allah se leva pour accomplir la prière et nous l'avions entendu dire: je cherche protection auprès d'Allah contre toi et je te maudis par la malédiction d'Allah. Il répéta cela à trois reprises. Il tendit la main comme s'il saisissait quelque chose. Lorsqu'il termina la prière, nous lui dîmes: ô messager d'Allah, nous t'avons entendu dire dans la prière une chose que nous ne t'avons jamais entendu dire avant et nous t'avons vu tendre le bras. Il dit: Iblis, l'ennemi d'Allah, est venu avec une braise de feu pour me la jeter au visage. Et j'ai dit: je cherche protection auprès d'Allah contre toi trois fois. Puis j'ai dit: je te maudis par la malédiction parfaite d'Allah. Mais il ne reculait pas par trois fois. Ensuite, j'ai voulu le saisir, et par Allah, si ce n'était l'invocation de notre frère Suleyman, il aurait été enchaîné et les enfants de Médine auraient joué avec lui. L'imam Ahmad rapporte d'après Abu Ubaid, le compagnon de Suleyman ibn Abd al-Malik: j'ai vu Atta ibn Zayd al-Layth debout en prière et j'ai voulu passer devant lui. Il m'a repoussé alors et m'a dit: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فما استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. un hadith que vous pouvez retrouver dans le Mousnad de l'imam Ahmed sous le numéro 11959 et authentifié par Cheikh Al-Albani. Abu Sa'id Al-Khudri m'a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se leva pour accomplir la prière. Le contexte de ce hadith, Abu Ubay, le compagnon de Sulayman ibn Abd al-Malik, a dit « J'ai vu Ata ibn Zayd al-Laythi debout en prière et j'ai voulu passer devant lui et il m'a repoussé. » C'est-à-dire qu'il m'a empêché de passer devant lui alors qu'il était en prière. Du coup, pour expliquer son acte à Abu Ubayd, il a rapporté le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, qui est comme suit. Abu Sa'id al-Khudri m'a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se leva pour accomplir la prière de l'aube, et il se tenait derrière lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récita, mais se trompa dans la lecture. Et lorsqu'il conclut la prière, il dit, si vous m'aviez vu avec Iblis, je l'ai saisi avec ma main, et n'ai cessé de l'étrangler jusqu'à sentir la froideur de sa salive entre mon pouce et mon index. Si ce n'était l'invocation de notre frère Sulayman, il aurait été enchaîné à un pilier de la mosquée et les enfants de Médine auraient joué avec lui. Celui d'entre vous qui peut faire en sorte que personne ne passe et ne s'interpose entre lui et la Qibla, qu'il le fasse. Voilà quelques bienfaits qu'Allah tabarak wa ta'ala a accordé à Sulayman. Nous continuerons, inshallah tabarak wa ta'ala, la semaine prochaine en citant les autres bienfaits par lesquels Allah a honoré Sulayman alayhi salat wa salam, et nous parlerons aussi des circonstances de sa mort alayhi salat wa salam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.